بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله اليوم سنخوض الحديث 19 aujourd'hui ce sera le 19e حديث qui est un حديث immense dont l'explication est assez longue et sera إن شاء الله étalé sur trois cours différents. Un seul cours ne suffira pas. Et deux cours, en fait, parce que le hadith, comme vous allez le voir, il y a une riwaya rapportée par Tirmidhi, en plus, qui est importante, mais que le shia, lui, dans son char, n'a pas étayé. Il n'a pas précisé, il n'a pas parlé de cet ajout, il n'a pas expliqué. Donc, je devrais aller ramener dans d'autres kutub, inshallah, histoire d'expliquer cette partie-là qui est importante. Qui sera, elle, la troisième partie du Ders. Inch'Allah. Naam. Donc il dit, Hafizahullah ta'ala, قال l'imam At-Tirmidhi, Rahimahullah ta'ala, Haddathana Abdullah ibn Abdurrahman, Akhbarana Abul Walid, Haddathana Layth An Sa'd, Haddathani Qais ibn al-Hajjaj, Al-Ma'na Wahidun, An Hanashn, الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك وَنِجْتَمَعُ وَلَا أَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُوفِ رواه الترمذي. Et في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن يثيبك وما أصابك لم يكن يخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. نعم. Donc selon Ibn Abbas رضي الله عنه qu'il dit j'étais derrière le prophète صلى الله عليه وسلم un jour alors il me dit « Ô jeune homme, ou enfant, roulem, c'est une personne qui n'a pas encore atteint la maturité et la puberté. » Et ça peut aussi s'appliquer sur un tout petit enfant. Donc là, Ibn Abbas était connu que c'était un enfant à cette époque. Mais je ne sais pas quel âge exactement il avait. Toujours est-il que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit « Ô jeune homme, ou petit ou enfant, yani, inni ou alimuka kalimatin, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Et si jamais tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu recherches de l'aide, alors recherche-la auprès d'Allah. Et sache que, même si toute la communauté se rassemblait afin de t'être utile en quoi que ce soit, ils ne t'apporteront aucun profit, sauf que Allah aura déjà écrit pour toi. Et que s'ils se rassemblaient tous afin de te nuire, sache qu'ils ne te nuiront en rien, sauf si ce que Allah t'a déjà écrit, ce que Allah a déjà écrit pour toi. Que les plumes ont été levées et que les feuilles ont séché. Et dans une autre version, autre que celle de Tirmidhi, celle que le Shir justement lui n'explique pas dans son kitab, il dit « Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Et reconnais Allah lors de l'aisance. » La bonne santé, l'aisance, ainsi de suite. Il te reconnaîtra dans les moments difficiles, dans la dureté. Et sache que ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. Et que ce qui t'a atteint devait t'atteindre. Et sache que le secours vient avec la patience. Et que la délivrance vient avec la difficulté. Et que avec la difficulté vient la facilité. Donc le shir, Hafizahullah Ta'ala commence en disant: هذا الحديث يعتبر من أعظم الأحاديث ومن جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدلة العناية بتعليم الأبناء وتربيتهم. Donc il dit, ce hadith est considéré parmi les plus grands hadiths qu'il existe, qui regroupe le plus de sens dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est parmi les preuves du soin apporté dans l'enseignement des enfants et dans leur éducation. Du fait que, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à Ibn Abbas qui était encore un enfant. Yaroulaymu. Wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ra al-hasan yuridu an yakula tamratan min tamar al-sadaqa. Faqala kahin, kahin, innaha min al-sadaqa, innaha la tuhillu lana. Guise d'exemple, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam vu al-Hassan, son petit-fils, qui voulait manger une date qui était parmi les dates des sadaqa. Alors il lui dit, kahin, kahin, kahin, kahin, c'est un mot en arabe pour, en guise de réprimande pour un enfant qui toucherait une chose qu'il ne doit pas toucher ou prendre une chose qu'il ne doit pas prendre. Je ne connais pas vraiment l'équivalent en français. Dans des livres, j'ai vu des traductions, mais franchement, c'est vraiment, c'est ridicule. Un des trucs que j'ai vu, c'est vraiment ridicule. Je n'ose même pas le prononcer ici. Donc là, on dira kahin, kahin, on le laissera comme il est en arabe. Hein, c'est un isme fial. C'est un mot qui a un sens d'un verbe, un impératif, comme pour dire délaisse, délaisse, ou laisse cela. Mais cette formule ne s'emploie qu'avec les enfants. Hein, pas avec les adultes, avec les enfants. Donc il dit, kahin, kahin, cette date provient de la sadaqa et elle ne nous est pas licite. Donc là, il lui a appris quoi? À ne pas manger ce qui vient de la sadaqa. Car el Hassan min el Bayt et Nubuwa fait partie des gens de la maison prophétique à qui il est interdit de consommer les sadaqa. Wa qala alayhi salatu wa salam, allimu abna'akum as-salata wa hum abna' sab' wa dribuhum wa hum abna' 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Donc le hadith que nous répétons souvent dans ce livre, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: enseignez à vos enfants la salat alors qu'ils ont 7 ans. Et frappez-les pour cette salat qu'ils accomplissent lorsqu'ils ont 10 ans. Et séparez entre eux dans les lits. Naam. Donc là également, cela fait partie de l'enseignement. Apprendre à un enfant, à 7 ans, de faire la salat. Et le hadith est connu aussi, Ummuru, ordonnez-leur de faire la salat. Et ce hadith-là également ne pas restreint à l'âge de 7 ans. Ça veut dire si demain, un enfant plus jeune que cela veut faire la salat, il faut lui apprendre, il faut lui enseigner, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème à ça. C'est même une bonne chose. Cependant, l'obligation vient à partir de 7 ans. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala yakul wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Donc c'est par cela que Ibrahim recommanda son fils ainsi que Ya'qub, qui dit à ses fils: certes, Allah a élevé pour vous la religion, alors ne mourrez qu'en état de pleine soumission. Donc là, on voyait que même les prophètes avaient pour coutume d'enseigner et d'exhorter leurs enfants. Wa yaqulu am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dans le sens, il dit: étiez-vous présent lorsque la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils: qu'adorez-vous après moi? Il dit: nous adorons ta divinité ainsi que la divinité de tes pères, qui sont Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, qui n'est qu'une seule divinité, et nous nous sommes soumis, muslimoun. Naam. Fal'inaya bi tarbiyati al-awladi amrun muhimun jiddan. Li hadith: idha mata al-insanu inqata 'amaluhu ila min thalathin: sadaqatun jariyatun wa 'ilmun yantafi'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Rawahu Muslim 'an Abi Hurayra. والتربيه في الصغار انفع. Donc il dit, le fait de donner soin à l'éducation des enfants est une chose primordiale, importante. Nasallahu wa yuwaffiqana ala dhalika. Pour preuve du hadith apporté par Abu Hurayra, ou plutôt selon Abu Hurayra apporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, où il dit: si l'un d'entre vous meurt, alors ses actions seront interrompues sauf trois choses: une aumône courante, c'est-à-dire une chose qu'il a fait en aumône qui continue à être bénéfique pour les gens. Une science qui reste bénéfique pour les gens. Awaladun salihun yad'u lahu, ou un enfant qui invoque pour lui. Un enfant qui invoque pour lui. Donc il dit Qawluhu inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner des paroles. Fihi al-ihtisaru ala al-ihtisaru fi al-nasihati wal-mu'izah. قال سفيان بن عيينة من لم ينتفيع بقليل النص لم يزيد بكثيره إلى شر. Donc il dit, il convient d'être bref lors des conseils, ne pas trop s'étaler, également dans les sermons et les exhortations, hein, que les paroles soient assez brèves et résumées. Et que Sofiane Nouriena, il a dit que celui à qui ne suffit pas peu de conseils, eh bien, une grande multitude ne feront que lui apporter du mal. Que des gens recherchant la droiture n'ont pas besoin d'entendre 10 000 choses pour pouvoir agir. Peu de paroles leur suffisent. Ils en sont vite convaincus. Comme dans les Masa'il, comme nous le vivons actuellement, comme vous le savez par exemple, dans cette fitna qui a divisé la salafia, les ronas salafia, que là, cette parole de Sofiane est un conseil pour beaucoup de nos frères et même de nos sœurs, du fait que lorsque vous avez compris plutôt une base, comme de la base dans cette fitna, si vous avez compris la base, alors il n'est pas utile d'aller chercher tout ce qui s'y rapporte et tout ce qui s'y dit et de trouver réponse à toute question. Car il s'agit là des choses qui reviennent à des gens qui éclairciront, car à force de chercher, de trop demander, cela peut amener à exposer la personne, à entendre des paroles qui retourneront le cœur et feront qu'elle changera sa position. Donc celui qui a compris, qui est convaincu, qui ne cherche pas à trop en demander non plus. Hein? Car les choses claires, éclaircies, démontrent que les petites sont des mensonges ou des talbissates qui n'ont pas besoin d'être connues. Donc délaissez-les. Hein? Délaissez-les. Il n'y a pas lieu de cela. Cela amènera de la fatigue pour vous-même et pour ceux que vous interrogez également. Naam. Donc ça c'est une parole importante, même le Cheikh le dit souvent. Je crois qu'également Cheikh Albani et beaucoup de savants le disent. Que celui à qui quelques preuves ne suffisent pas, alors il n'y a pas l'utilité de lui ramener beaucoup. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui demande beaucoup pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi, alors que la première, la deuxième était suffisante, celui-là n'est pas convaincu. Donc, cela ne sert à rien de trop lui en dire, car il n'a pas les signes d'une personne qui sera mouafak pour accepter une grande quantité de preuves. Alors que le peu, parmi ceux qui sont clairs, ne l'ont pas suffi. Non. Cependant, il y a un détail sur la question que Cheikh va évoquer maintenant, qui dit وَالنَّاسِ تَفَاوَتُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَحْتَجُوا لِلْتَكْرَارِ كَثِيرٍ حَتَّى يَفْهَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ تَنْفَعُوا النَّصِيحَةَ الْقَلِيلَ وَيَسْتَفِيدُوا مِنْهَا ويستدل بهذا الحديث على فضل طلب العلم وعلى أن الغلام يكون أحفظ من غيره. طيب. On va arrêter là d'abord. Il dit, cependant les gens diffèrent, sont de différents niveaux. Et parmi eux, certains, ils ont besoin que l'on répète beaucoup, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et parmi eux, d'autres ont besoin de peu avant d'être clairvoyants et de profiter. Hein, des gens, tu leur donnes un conseil, ils comprennent tout de suite. D'autres gens ont plus de mal à comprendre. C'est comme ça qu'elle a créé ses serviteurs. Il faut beaucoup le répéter. Cela ne veut pas dire qu'il faut lui apporter plein de choses. Car lui apporter plein de choses ne va faire que lui alourdir la chose. Elle sera plus lourde et moins facile à comprendre. Un exemple, ça c'est une hikmah dans le tadris, dans l'enseignement, que lorsque tu enseignes à une personne, cela ne sert à rien, par exemple, sur un sujet, de trop s'éparpiller à droite à gauche. Tu restes concentré sur le sujet mère hein, du cours, quitte à donner des exemples. Cependant, aller prendre trop de feïda là-bas et là-bas et là-bas et là-bas, tu vas rendre lourde la chose pour la personne. Hein, ça veut dire toi, celui qui n'a pas compris, tu lui répètes le sujet. Tu lui répètes le sujet. Tu lui répètes encore le sujet. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher trop d'exemples à droite à gauche, car il se peut qu'à la finale, tu l'embrouilles et ils ne comprennent pas. Et t'en as d'autres, Allahumma barik. Une fois que tu leur parles, ils ont compris tout de suite. Non. Donc des fois, patienter avec les gens qui n'ont pas trop compris, qui ont une compréhension assez lente, patienter avec eux, si on voit qu'ils font des efforts, qu'ils veulent vraiment accepter. Non. Mais par contre, celui qui pose plein de questions, qui a compris, mais qui veut encore on va dire, comme on dit, fouiller, là, c'est une perte de temps. Non. Donc là, le shir dit, ويستدلوا بهذا الحديث على فضل طلب العلم ولا أن الغلام يكون أحفظ من غيره للعلم ويقال أن التعليم في الصغار كالنقش في الحجر. Donc là, on prend comme preuve de ce hadith sur le mérite de la recherche de la science. Et que l'enfant, le jeune, a une mémoire plus vive, plus forte contre que lui, que les grands, dans la science. Et que l'enseignement pour les petits laisse plus de traces que sur les grands. C'est-à-dire le petit, sa mémoire est comme de la pierre que tu graves. Ça reste, Inch'Allah. Hein, ça reste. Et on le voit quand des enfants apprennent le Coran, Allahu Mabarak, petit, ça reste avec eux. Et plus on est grand, plus on a du mal. Et plus on oublie. Donc il dit, il ne fait pas de doute, que plus la personne grandit, et plus sa compréhension se consolide, et sa perception s'élargit. Cependant, sa mémoire s'affaiblit. Hein? Sa mémoire s'affaiblit. Naam. Wa qawluhu, dans le hadith, Ihfazillah yahfazka. Toujours, préserve Allah, il te préservera. Fi anna, annahu yu'allimuhu al-aqidata al-sahiha. ويربيه على حفظ حدود الله وهو في الصغار ولو تأثير انظر إلى أبناء السنة والجماعة ربما رأيت بعضهم يلعب في الصغار حتى تكرهه من كثرة اللعب وكثرة فتنته وآذائه ولكن تبقى آثار السنة فيه آثار حفظ حدود الله عنده بعد للمعاصي وعنده بعد للبدع والحزبيات فيكبر و تكبر هذه معه وعنده أيضا آثار السنة والعمل بها وآثار خير ولو لم يصير عالما وحافظا للقرآن أقل ما فيه أنه ينفع نفسه بهذا الخير إن سلم من المفسدين ولسنا راضيين عن تقصيره هذا ولكن يعتبر خيرا في حقه أنه يعرف التوحيد وبعض مسائل العلم وكل ميسر لما خلق له. Donc il dit, par rapport à cette parole, préserve Allah et te préservera, que là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne la vraie aqidah. Hein? La vraie aqidah. Et qu'il l'éduque à préserver les décrets d'Allah, ses limites, depuis son enfance. Et que cela aura une influence sur lui à l'avenir. Le shir dit, regarde les enfants des gens de la sunna. Il se peut que certains, parmi eux, jouent énormément. Là, qu'ils sont petits, ils sont des la'ab, comme on dit. Hein, on appelle ça un la'ab. Il n'a pas de jouer, tout le temps en train de jouer. Pas de sérieux. Qu'il ne fait que jouer. À tel point que tu le détestes du fait qu'il n'arrête pas de jouer. Toi, tu voudrais qu'il soit mouchtahid dans ta label ou quoi, et lui, il fait que jouer. Également, qu'il fait beaucoup de fitna, de troubles, et de dommages, il cause des dommages. Cependant, les traces de la sunna restent sur lui. Et les traces de la préservation des limites d'Allah, des drikas d'Allah, restent sur lui. Et qu'il aura un dégoût pour le péché. Et qu'il aura également un dégoût pour les innovations et la hisbiya, le sectarisme. Et qu'il grandira et que cela grandira avec lui. Et qu'il ait également une trace de la sunna sur lui et le fait d'en œuvrer, d'œuvrer avec. Des traces de bien, même s'il ne devient pas un savant. Ou qu'il ne devient pas une personne qui aura mémorisé le Coran par cœur. Au minimum, il aura des acquis par lesquels il s'élèvera si jamais tu le vois épargné des corrupteurs. Hein, des hisbis qui peuvent prendre les enfants et les faire dévier, en prenant même les parents d'abord. Nous n'agréons pas cette négligence de cet enfant. Cependant, cela est considéré comme étant un bien par rapport à lui, du fait qu'il connaisse le tawhid, qu'il connaisse certains sujets de science, et chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Et ce que le shir dit là, wallah, je vous dis les frères, on l'a vu de nos propres yeux à Denmej, que les enfants des Toulab, pour beaucoup d'entre eux, se met beaucoup de désordre dans les rues. Naam. C'est un fait que l'on constate et que l'on ne peut nier. Tu le vois dans la rue toute la journée, il jette des pierres, il maltraite les chiens, il casse des choses, il fait le désordre. Hein? C'est un enfant. Pourquoi ? Parce que les enfants des salafis, nous, il n'y a pas la télé à la maison. n'y a pas la télé. Il n'y a pas, tu le prends, tu mets dans la télé pour qu'il se calme. Il n'y a pas de console de jeux vidéo. Tu mets dans la télévision, ils jouent à la console. Il n'y a pas, ils vont à l'école. Je parle à Demedge. En France, bon, c'est une autre situation. On sait que les frères ont des contraintes. Ils ont des pressions de l'État par rapport à ça. Là, on parle par rapport à Demedge. Des enfants, ils vont pas à l'école. L'école publique, comme on dit, 8 heures par jour avec plein de cours. Ils ont leur durus. El Miya. Et ces durus, ça dit ces harakat de science, ça ne dure pas 8 heures comme à l'école. S'il a son petit harakat de Coran, ça dure une demi-heure. Son petit harakat de Hifz dans les moutounes, ça dure une demi-heure. Et peut-être il apprend à lire ou à écrire, ça prend pas longtemps. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? C'est un enfant. Son père est dans les cours, sa mère est à la maison, en train de s'occuper de la maison, et à ses cours elle aussi. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Eh ben, il fait le fourda. C'est un la'ab. Il fait le bazar. Naam. Il est gentil, hein, mais c'est un enfant. Tu peux pas le tenir. C'est une chose sur laquelle les salafis doivent beaucoup patienter, du fait que nous, on n'a pas de choses, on n'a pas de centre aéré, on n'a pas de colonie de vacances, on n'a pas ces choses-là. Hein. Dans la sunna, ça n'existe pas tout ça. Et donc, les parents doivent patienter sur la tarbiya des enfants, car avoir un enfant avec toi 24 sur 24, c'est très dur. C'est très très dur. Ça n'a rien à voir. Les koufars, vous les voyez laisser leurs enfants dans les écoles, ils vont au travail, et le soir, ils le voient quelques heures, donc là, baisse, ils patientent. Mais quand tu l'as avec toi du Fajr jusqu'au Isha, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Donc il faut faire preuve de patience. Et si des gens sont ramenés à faire la Hijra et aller au Yémen ou d'autres pays comme l'Égypte ou autre, ils verront cela. Si leurs enfants ne vont pas aller dans des écoles licites, hein, ils vont les garder avec eux, ils verront que l'indication c'est très très très dur, plus dur que ce qu'on peut s'imaginer. Et qu'un enfant, malgré cela, on voit les traces du bien en lui, alhamdoulilah, on l'a vu, nos enfants quand ils sont arrivés à Sana'a, ils ont vu des gens en pantalon, ils étaient choqués. Il y en a même, ils les ont rendus mécréants. Ah, je vous le cache pas, hein. Des enfants, ils ont dit, ouais, ça c'est un kafir. Pourquoi? Il a le baissé le bandal. Il porte le pantalon. Ou ils voient une femme sans voile, sans hijab, ils sont choqués. Ils disent, ah, la kafira. Pourquoi? Matalbis hijab. Elle n'a pas l'hijab. C'est nous, on rigole, parce que c'est marrant, c'est des enfants. Mais, Yannis, si le ma'amin entend ça, il va être choqué. Comment? Ton fils, il me rend mécréant. On leur a expliqué après, non, c'est pas des mécréants, c'est des gens désobéissants. Car des mecs, ils n'étaient pas habitués à voir ça. Toutes les femmes étaient voilées, des pieds à la tête. Hein? Et pas de pantalon, à part vraiment un ami qui passait par là, et quand il venait passer, c'était vraiment, il était. Tout le monde le regardait. Ou quelqu'un qui fumait une cigarette, il était. Ah là quoi. Mais à Sana'a, c'est tout le contraire. Là, on est chez eux, chez les Awam, et les gens de désobéissance. Et les enfants n'ont pas été habitués à ça. Donc tout ce qu'ils voient là, ils sont choqués. Et le pire, c'est que ils vont finir par s'y habituer. C'est-à-dire, ça va devenir normal pour eux. Hein? Ça va finir par devenir normal, fait la afia. Tout ça pour dire que l'enfant, malgré tout, qu'il soit un la'ab, il voit des choses blâmables, il va le dire clairement. Haram, mayajouz, bid'a. Il va le dire sans hikma, durement, c'est vrai, mais il va le dire. Il va le dire. Donc, ne pas désespérer et leur apprendre le bien, même s'ils font des bêtises ou quoi, faut patienter. Apporter une correction quand il faut, hein, faire preuve de discipline avec eux, mais leur apprendre les bonnes bases de la religion. Et de faire beaucoup de dua que Allah et wafak pour une bonne tarbiya, une bonne éducation. Naam. Et que chacun, comme le Chir le dit à la fin, sera facilité pour ce pourquoi elle a été créée. Si Allah t'a créé pour t'a destiné le bien, alors cela te sera facilité et à toi de suivre les voies qui mènent au bien. En tous les domaines. Donc il poursuit en disant, Kouluhu, irfazillah, irfazka. Toujours dans la même partie du hadith. Al-maqsoudu, irfaz hudud Allah, wa awamir Allah, wa hafiz ala ma amarakallahu bih, wa ijtanib ma nahakallahu anhu. يحفظك الله في دينك ودنياك وأهلك ومالك وظاهرك وباطنك وليلك ونهارك هذا معناه وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. Donc il dit, le but en cela, dans le fait de préserver Allah, c'est le fait de préserver ses décrets, comme nous l'avons dit, et ses ordres. Hein? Que tu préserves ce que Allah t'a ordonné de faire, tu persistes dessus, et que tu évites ce qui t'a interdit. Et que tu préserves, et que Allah, en retour, te préservera dans ta religion, dans ta dunya, dans ta famille, dans tes biens, dans ton apparent, dans ce qui est apparent, dans ce qui est caché, dans ta nuit, dans ton jour, hein, dans ton quotidien. Tel est le sens de sa parole, yafaskallah. Et Aza, cela revient à quoi? À la parole qui est que la rétribution est en fonction des actes. Hein, la rétribution est en fonction des actes. Si tu fais du bien, Allah te le rendra. Si tu fais du mal, pareillement. Comme a dit Allah, Waskurni askurkum, Washkuruli wala takfurun. Et rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Et remerciez, et ne, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats ou ni mécréants. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khayrin minhu. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite un hadith qudsi que Allah dit, celui qui se rappelle de moi en lui-même, je me rappellerai de lui en moi-même. Yani, là, c'est une, il y a une preuve que le nefs, nefs min sifatillah. Hein? Ta'alamu ma fi nefsi, wa la lamu ma fi nefsik. Comme a qu'on est ta'ala. Comme a qu'on est Isa. Tu sais ce qui est en moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Mais là, en arabe, c'est le nefs. Hein? Ça prouve que Allah, parmi ses sifat, est nefs. Naam. Donc Allah dit, celui qui se rappelle de lui en lui-même, Allah se rappellera de lui en lui-même également. Et que celui qui s'appelle de moi dans une assemblée, je me rappellerai de lui dans une assemblée encore meilleure que celle-ci. Wa qala ta'ala, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika kadhalika atatka ayatuna fanasitaha fakadhalika al-yawma tunsa. Qu'il dit de celui qui a délaissé le rappel d'Allah et lui dit, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené à la vie en étant aveugle alors que j'étais voyant? Il lui dit, et tout comme tu as oublié nos versets, alors nous t'oublions aujourd'hui. Hein? Nous t'oublions aujourd'hui. Cependant, l'oubli, Nisyan, c'est connu, ce n'est pas un attribut d'Allah. Parce que l'oubli, c'est un attribut qui ne revient qu'à la créature. Car le fait d'oublier est un défaut. Hein? En soi, oublier une chose est un défaut et une faiblesse. Et Allah, hein, Allah est purifié d'avoir des attributs de faiblesse. Mais le sens là de l'oubli, c'est le délaissement. Que Allah te délaisse. D'accord? Allah, il délaisse. Et la preuve que Allah, l'oubli n'est pas parmi les attributs d'Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie pas. Hein? Allah, il a nié de lui-même le fait d'oublier. Donc attention là, le mot oublier ici, ce n'est pas le fait d'oublier comme nous on oublie, par exemple on se rappelle une chose, après elle sort de la tête. Non, là c'est le fait de délaisser, que Allah il t'abandonne, il te délaisse. C'est ça le sens voulu par Nisyan. Tayyib. Ensuite le chef poursuit en disant, « Ou kalimet yafafka » et il te préserve, « kalimetun amatun fil hivz al-hissi wal ma'nawi » Donc c'est un mot général qui revient à la préservation concrète ou abstraite, que Allah te protège de façon concrète ou abstraite. ومنها قوله تعالى كل من يكلؤكم بليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Il dit, qui vous préserve donc de jour et de nuit du Rahman? Mais ils sont plutôt ils se détournent de son rappel, du rappel de leur Seigneur. Plutôt ils se détournent du rappel de leur Seigneur. وقال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. Et qu'ils ont devant, c'est-à-dire les créatures, les hommes plutôt, ils ont devant et derrière eux, ou plutôt il a devant lui et derrière lui, des anges qui le préservent par ordre d'Allah. Ay bi amrillah, par décret d'Allah. Iza hafizta hudud Allah yahfazu alayka khayraka kullahu. Que si jamais tu préserves les lois d'Allah et ses limites, que Allah préservera sur toi le bien entièrement. Yahfazuka fi rizqik. Wa la yusallimuka للشامتين بل يرزقك رزقا حسنا. Et qu'également Allah te préserve dans ta subsistance, qui ne te laisse pas proie aux calomnières. Hein? Que Allah te donne une bonne subsistance. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه اجره باحسن ما كانوا يعملون. Et celui qui œuvre en bien comme homme ou femme et qui est croyant, nous le ferons vivre une bonne vie et nous leur donnerons leur récompense de façon plus considérable que ce qu'ils œuvraient. Yafazuka fi jawarihik. Annaka ma taktarifu biha ma'asi. Que Allah te préserve dans tes membres, hein, qui t'empêche de commettre des péchés. Iza hafizta hudud Allah yahfazuka Allah. C'est-à-dire que si jamais tu préserves les droits d'Allah, qu'il te préservera du fait que toi tu ne regardes que ce que Allah a rendu licite et légiféré. La tamshi ilayli ma shara'a min mubah, que tu ne marches que vers ce qu'il a rendu permis. ou mandoub, ou recommandé, ou wajib, ou obligatoire. Wala ta'khouz illa ma azna Allahu fihi, wa ma shala Allah. Et que tu ne prends que ce qui a été permis par Allah ou que ce qui a été légiféré. Yahfazu sama'aka an sama'i al-muharramat, qui préserve ton ouïe d'entendre des choses interdites. Wa yahfaz qalbaka an al-kibr, qui préserve ton cœur de l'orgueil. Wal irjab, et l'amour propre, hein, l'ego, que tu aimes ce que tu fais. Wal ghurur, que tu t'illusionnes parce que tu fais. Wal hasad, et la jalousie, l'envie. Iza hafizta Allah yahfazu 'alayka dinaka wa la tasiru mubtadi'an, que Allah il te préserve et tu ne deviendras pas inshallah un mubtadi'. Wa la tasiru hizbiyan, et tu ne deviendras pas non plus hizbi. Haula alladhina waqa'u fil bid'a ma hafazu hudud Allah wa law hafazu hudud Allah la hafizahum Allah. Et que ceux-là, ces gens-là qui ont viré dans leur religion, qui sont tombés dans les innovations, sont des gens qui n'ont pas préservé les droits d'Allah. S'ils l'avaient fait, que Allah les aurait préservés. Hein? Kafi kouli ta'ala, falamma za'u wa za'a Allah kulubahum. Et lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Donc là, vous voyez également qu'une personne qui dévie, cela n'est dû qu'à des choses, des manquements venant d'elle-même en premier. Une personne qui dévie, qui tombe dans le mal, qu'elle revienne à elle-même et qu'elle se dise qu'il y a eu un problème quelque part. Naam. Et cela revient à ce que nous avions dit dans le hadith précédent. Hein, que la personne ne subit que les conséquences de ses actes. Il y a différence à voir également, par contre, entre l'épreuve et la calamité. Car pour que tu sois éprouvé dans ta vie, cela ne veut pas dire qu'Allah te châtie. À partir du moment où tu vois que tu n'es pas humilié, que tu ne t'arrives pas des choses qui te rabaissent ou quoi, et que tu restes toujours haut dans ta religion ou quoi, cela peut être une épreuve que Allah veut pour t'effacer des péchés ou pour t'élever en degré. Et d'autres peuvent être, par contre, des calamités suite à des péchés. Que Allah veut également t'expier, il veut expier tes péchés, cependant il t'arrive des choses qui ne sont pas honorables pour la personne dans sa religion, et généralement cela est le fruit des conséquences des actes des personnes. Non. Donc attention, différencier entre l'épreuve que Allah t'éprouve et que Allah puisse te punir. Ce n'est pas pareil. La différence qu'il peut y avoir entre une épreuve et une calamité, il y a ni les deux, en apparence, les deux mots sont similaires. Mais cela revient à aux conséquences qu'il y aura sur le serviteur. Parce qu'une calamité, c'est une épreuve. D'accord ? Une épreuve est une calamité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses que Allah t'éprouve avec pour du mal que tu auras commis. Hein? Par exemple, une personne qui vire dans sa religion, cela n'est pas une épreuve pour l'élever en degré, sûrement pas. C'est parce que cette personne a dû faire du mal ou une chose dans son cœur que Allah a décelé qui fait que par la suite, il dévie à fond dans sa religion, il dévie. Mais par exemple, une personne qui fait du bien, qui s'efforce d'aller sur la droiture et qui d'un seul coup une épreuve, par exemple, il perd son enfant ou il a une maladie ou ce genre de choses, cela peut être une chose que Allah prend pour l'élever en degré. Et tout le monde a des péchés et des fautes, donc peut-être qu'il veut effacer ses fautes. Mais à partir du moment où cette personne voit que, malgré la maladie, malgré la mort des proches, malgré la perte de biens et d'argent ou quoi, dans sa religion, il reste droit à la tête haute et que personne ne lui nuit réellement, cela peut être une épreuve pour son bien. Comme les épreuves des prophètes, alayhi salam. Ils ont été éprouvés. Il n'y a pas plus éprouvé que les prophètes. Inachadanas ibtilaan al-anbiya thumma amthalum thumma al-amthal. Que les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Et ensuite, ceux d'après eux. Que la personne est éprouvée dans sa religion comme mesure de sa foi. Plus tu seras accroché à ta religion, et plus les épreuves seront grandes. Mais Allah ne te fera subir que ce que tu peux supporter. D'accord ? Donc c'est pas dès qu'une personne lui arrive une chose, on va dire que c'est une punition. Non, cela dépend aux conséquences de cette épreuve. S'il a mal viré et qu'il finit mal, peut-être. Mais si on voit qu'il en sort plus haut et que personne ne lui a rien fait et qu'il a patienté, cela peut être une chose pour l'élever en degré. Bien sûr que, quoi qu'il en soit, les péchés sont effacés, car tout le monde a des péchés. Hein, tout le monde a des péchés. Seulement, il y a péché fait inconsciemment ou sans persister dessus. Et il y a péché comme les perversions, comme les grandes turpitudes, les kabaïrs qu'on fait devant tout le monde, ça c'est autre chose. D'accord ? Donc c'est pas toute personne qui est prouvée, ou à qui il arrive ce qu'on voit à nous de nos yeux comme étant un malheur, qui est forcément une punition d'Allah pour lui. Non, ça peut être le contraire. Hein ? Et l'histoire des salafs, c'est ce qu'il y a de plus grand comme preuve. Plein de hadiths sont venus là-dessus, dans Bab al-Sabr, regardez dans le Riyad al-Salihin, dans Kitab, le livre de la patience, quand Allah subhanahu wa ta'ala promet à celui à qui, par exemple, ils rendent aveugle, qu'il le rendra qu'il paradis, mathalan. Ou que celui qui perd un membre de sa famille proche et qu'il patiente, tout en recherchant la récompense d'Allah, que Allah lui promettra le paradis. Est-ce que ça c'est un châtiment, ça c'est une punition pour une personne? Ou c'est plutôt un test pour voir s'il patiente pour avoir mieux par la suite? Donc attention à bien différencier entre les deux choses, hein, entre l'épreuve et la punition. D'accord? Et quoi qu'il en soit, le croyant, les punitions viennent et l'expie de ses péchés, de toute façon. Et de là, ça a également une remarque par rapport à ce qui est arrivé au frère Ademej. Que malgré ce qui s'est passé, Ana Uksim Billah, Wallah, que les frères, à aucun moment là-bas, n'ont ressenti une humiliation des Houthi ou un rabaissement en abandon d'Allah. Jamais. Au contraire. Naam, on avait peur. Il n'y a pas de problème là-dessus. La peur, elle était là. La pression, elle était là. Hein? La faim, elle était là. La fatigue, elle était là. Mais est-ce qu'il y a eu un désespoir? Non. Est-ce qu'il y a eu une faiblesse? Au contraire. Cela a ramené à ce que les gens fassent plus de doa, plus d'invocations. Des péchés, inch'Allah, ont été effacés. Des frères ont été pris en martyr. Bismillah, wa narsibum kazalik. Voilà, nous acquiert Allah ahad. Hein? On les pense, inch'Allah, qu'ils étaient pris en martyr. Cependant, cela revient à Allah seulement. Et regardez, malgré ce qui s'est passé, pendant ce hissab, ce blocus de 3 mois, des houthis sont venus avec des tanks, avec des missiles, avec des mortiers, avec des canons, hein, ils étaient je ne sais pas combien, avec des forces militaires extérieures, car on l'a vu qu'ils n'étaient pas tout seuls. Les houthis n'étaient pas tout seuls. Car ce qu'ils ont fait là, tout seuls, ils en sont incapables. Ils n'ont pas la force. Les attaques de jour qu'ils ont fait, les houthis sont connus, ce sont des lâches, ils attaquent que la nuit. D'accord, ils attaquent que la nuit, quand il n'y a pas de lune, quand la nuit elle est sombre, comme ça on ne les voit pas venir. Et bien là, il y a des attaques de journée, avec des stratégies militaires, on l'a bien vu. Ça, ce n'est pas les houthis, il y a des gens avec eux. Et malgré cela, regardez, des petits toulab al-ilm, des massakines, hein, juste des gens qui ont des livres chez eux, des enfants qui cassent des voitures avec des pierres, hein, comme je disais tout à l'heure au début, avec des camises même pas repassées, et ainsi de suite, des claquettes, ils n'ont même pas réussi à rentrer dans un village. Ils sont pas rentrés dans le village. Comment ça se fait, ça? Si jamais c'était une humiliation d'Allah, ils seraient rentrés, ils auraient pris tout. Nos maisons, nos femmes, je ne sais quoi. Ils auraient tout brûlé, ils auraient fait fuir. Pourquoi les gens de Dimash sont partis? Car ils sont pas partis par peur des Hawassa, des Houthis. Sûrement pas. C'est parce que le gouvernement leur a dit, si vous ne partez pas maintenant là, ça va être pire encore pour vous, on ne pourra pas vous protéger. Donc partez. Là, c'est le président qui a ordonné de partir. Donc là, c'est quoi? L'obéissance au gouverneur. Mais le Houthi leur a dit de partir. Il a toujours dit partez, on partait pas. Personne ne partait. À part certains sont partis, Naam, c'est vrai. Cela, Amrou min Allah. Leur affaire est entre les mains d'Allah. Mais sinon, les femmes étaient là et patientaient. Les enfants étaient là et patientaient. Les vieillards étaient là et patientaient. Les frères étaient là et patientaient. Est-ce que ça, c'est une humiliation? L'humilié, c'est celui qui n'a pas participé. C'est celui-là l'humilié. Wallah. Celui qui a dit, c'est à cause de leur péché, il ne faut pas les aider ni rien, c'est celui-là l'humilié. Et ceux-là, vous verrez plus tard, ça ne sont pas tôt au bas, eux, on craint vraiment pour eux. Une fitna. On craint vraiment pour une fitna. Eux ont commis, n'ont pas préservé les limites d'Allah. Pourquoi? Car le jihad fait partie des limites d'Allah. Et lorsqu'il faut combattre pour aider les frères, même des ikhwan muslimines demain subissent une injustice, hein, par les rawafid ou autres, on doit les aider. Même les soufis, donc ce ne sont pas les soufis, les roulas, les exagérateurs, même les soufis demain se font attaquer injustement par des koufars, on doit les aider. Et eux, comment ils étaient eux? Tellement leur hizbiya leur a rongé le cœur, même dans ces moments-là, ils te piétinent, ils te crachent au visage. Et aujourd'hui, qu'on est sorti de Demej, qu'on est à Sana'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après l'attaque des Houthis, c'est l'attaque des hizbis maintenant. Ils se relaient les uns derrière les autres. Ça, c'est leur tradition. Quand c'est pas les Houthis, c'est les hizbis. Quand c'est pas les hizbis, c'est les Houthis. On dit qu'il y a un pacte entre eux. Allah alam. Toujours, il y a un truc sur les gens de Demej. Toujours. Genre, on vous lâchera pas. Le Hajjouli, on va pas le lâcher. Et regardez maintenant ce qui se passe là. Eh bien, il recommence. T'as, je sais pas qui, à droite, à gauche, tout le monde s'y met. Eh bien, croyez une chose, malgré qu'ils se rassemblent tous, hein, comme dans le hadith, ça va venir, « وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةِ أَنْ عَلَى أَنْ يَدُرُكَ بِشَيْ لَنْ يَدُرُكَ إِلَى بِشَيْ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ » Que si même toute la communauté s'est réunie pour te nuire en une chose, ils ne te retenueront en rien, hormis ce que Allah t'a écrit. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, être des millions, des milliards, ils ne font peur à personne, car les cœurs sont apaisés, comme on l'a écrit dans le hadith, hein, que le cœur du véridique, il est serein. Wal-kadhib, riba. Hein, et que le mensonge perturbe, rend inquiet. Quoi qu'il fasse, voilà, nos cœurs sont sereins. Tu peux voir, mais chire un tel. Ça ne change rien du tout. Ça nous fatigue, même, ça prend du temps, mais les cœurs sont sereins. La vérité dans le cœur de la personne le rend serein. Les Houssi viennent avec des tanks et ce qu'ils veulent, tu sais que tu as raison et que tu n'as pas fait d'injustice, tu es serein. Tu as peur, mais tu sais que tu as raison. Donc Allah s'abbête devant ton ennemi. Qui qu'il soit, armé ou avec la plume. Donc vous aussi, mes frères, quand des gens veulent faire du mal, que vous êtes sur le haq, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux, ils ne feront rien du tout. Et vous, revenez justement dans ce moment-là à ce genre de hadith. Irfazou hudou d'Allah. Préservez les limites d'Allah. Depuis maintenant que vous êtes dans la sérénité, dans l'aisance ou dans la santé, dès maintenant faites-le. Et dans la dureté, Allah vous préserver. Ils vont rien trouver. Vos ennemis ne pourront rien faire contre vous. Que ce soit les koufars ou les maftouns qui veulent vous nuire ou dans votre entourage des gens qui veulent faire du mal, ils ne pourront rien vous faire que ce que Allah vous a prescrit. Donc croyez au destin et ça montre quoi? Ça montre l'iman, la foi, hein, le tawakkul. Et ça donne du courage. Celui qui croit au destin est courageux. Car il sait ce qu'il y a devant lui. C'est une chose qu'Allah lui a écrit. Donc qu'il parte en arrière, ça ne va pas le sauver. Uktai, wa innama takunu yudikumul maut. Où que vous soyez, la mort vous rattrapera. Hein, où que soyez, la mort vous rattrapera. Donc te sauver ne sert à rien. Fais face. Et quitte à mourir, alors tu meurs la tête haute face à ton ennemi. Et Inch'Allah, tu auras la shahada, le martyr. La plus grande des récompenses. Et aujourd'hui, on a envie de nos frères. Quand on voit ce qui nous arrive là à Sana'a, toujours l'épreuve, elle n'est pas terminée, l'épreuve. Hein, l'épreuve, elle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, on a envie beaucoup nos frères qui ont été tués, qui s'habillent là, car aujourd'hui, ils se reposent. Et maintenant, aujourd'hui, on est là à être fatigué avec des choses de la douleur qu'on n'avait pas à des medj, que l'on subit maintenant à Sana'a. Mais quand on voit comment on fait, nos frères qui ont été tués là-bas, le repos qu'ils ont, Inch'Allah, maintenant, là, on ne peut que les envier et dire qu'ils ont fait un parcours. Surtout nos frères Mouhajirine, qui ont été auparavant ou des koufars, des mécréants, qui ont été convertis, qui sont convertis, ou des frères qui étaient dans l'égarement, qui sont repentis, qui se sont mis droit, qui ont tenté de patienter en France, qui sont rentrés au Yémen, qui ont investi de leur argent et de leurs biens, qui ensuite ont investi de leur temps et de leur fatigue dans Talab al-Ilm, et qui ensuite ont fait face à l'ennemi, et ont patienté sur leurs épreuves, et qui ensuite ont été tués fisabilillah. Ça s'appelle un parcours, Inch'Allah, une référence de réussite. Et on ne peut que les envier. On ne peut que les envier, alors qu'il est. Et Inch'Allah, que cela soit une expression de leur faute passée. Certains ont eu des fautes, sûrement, personne n'est marsoum, et que cela a été une expression, Inch'Allah, de leur faute. Mais aujourd'hui, ils sont à un degré, à un niveau, que celui qui a une foi, un iman, qui a un peu le minimum de science, ne peut que les envier. Et dire, bah voilà, maintenant ils ont réussi. Moi je suis là en train de fatiguer dans cette dunya, il m'arrive ça. Et lui, mon frère, je passe à côté de la tombe, je dis maintenant, bismillah, Inch'Allah, il se repose. Et il a fini. Car on va tous mourir. Tout un goûtera la mort. Cependant, sur quoi tu vas mourir, tu ne le sais pas. Donc dès maintenant, anticipe cette mort. Prépare-toi à ce qu'elle arrive pour que Allah te préserve et que tu aies une bonne fin. C'est ça le but. Que le musulman, sa vie d'ici-bas, il la prépare pour l'au-delà. C'est pas il prépare sa vie d'ici-bas pour ici-bas. Non, il prépare ce qui arrivera par la suite. Car la vraie vie, c'est celle d'après. C'est pas celle-là de maintenant. Celle de maintenant, elle est fatigante. Elle est éphémère. Pleine d'épreuves. Il y a du bien dedans. C'est vrai, on aime la dunya, on est accroché. Mais le musulman qui a un iman, qui lit le Coran, qui lit la sunna, sait que cette vie-là, il n'est que de passage sur terre. Et que par la suite, il mourra. Que dans sa tombe, il sera interrogé. Man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et que s'il réussit, فَمَا يَكُنْ بَعْدَهُ أَيْسَرْ وَمَا يَكُنْ بَعْدَهُ إِزَيْفَشِلَ مَا بَعْدَهُ أَشَدْ. Que celui qui réussit ces tests, ces questions-là, ce qui sera par la suite, sera plus facile. Et celui qui échoue, cela sera plus dur. Donc ce hadith-là englobe ce sens. Que dès maintenant, tu préserves les lois d'Allah pour qu'Allah te préserve par la suite. Pour que le jour où la mort te vient, tu es prêt. C'est-à-dire, tu es sur une bonne position, une bonne aqidah, une bonne droiture, sur le ménage salafi authentique. Naam. C'était en guise de rappel. Désolé d'être sorti un peu du dars. Donc voilà quoi. Bon, bah, ça a pris du temps du cours, je m'excuse. Inch'Allah, de toute façon, naam. Mais également, il y aura des choses que j'aurais besoin de citer. Car le Shir va parler également de ce qui touche au fait de demander de l'argent. Il va parler également des associations. Ça sera le moment d'en parler. De certains cas de personnes en France ou à l'extérieur qui, eux, ne préservent pas les limites d'Allah et se voient aujourd'hui touchés par des fitnas. Comme celle-ci actuellement. Naam. Enfin, j'espère qu'Allah nous rendra bénéfique ces paroles pour moi ainsi que pour vous. Et faites des doigts pour nos frères qui ont été tués. Faites des doigts qu'Allah leur accorde la miséricorde. Faites des doigts que Allah guérisse les frères qui ont été blessés. Que Allah fasse rahma aux veuves ainsi qu'aux orphelins. Faites des doigts. Et aussi, vous faites beaucoup de doigts, les frères et les sœurs, pour notre chir qui subit des pressions énormes des gouvernements extérieurs, du gouvernement interne et des gens de la bid'a. Qu'il a des ennemis de partout sur lui. Et malgré cela, il reste patient, endurant, sur sa chaise, tous les jours, à donner ses cours à ses toulab, et pour l'usage d'Allah, car il ne demande aucun salaire en échange. On ne dit pas ça par fanatisme, ni par esprit de parti, mais cependant, c'est la vérité. Hein, cela fait, pour ma part, 8 ans que je fais des maîtres, bifadlillah, le shir, je l'ai vu, il n'est pas parfait, mais wallah, je vous le dis, on n'a jamais vu de lui de signe, de trahison, et de mensonges, hein, et de traîtrise, et d'hypocrisie. On a vu de lui que de la véracité et du conseil. Combien de fois on s'est assis devant lui, il nous a conseillé. Combien de fois c'est arrivé? Ou quand des frères se disputent, des querelles, il vient, et il essaie d'apaiser les tensions entre les frères. Il veut le khay pour la umma. Puis manar c'est beau. Cependant, les gens lui veulent du mal. Donc faites dora pour lui. Et de faire attention, ne vous faites pas duper par les sbires et leurs mensonges. Et éloignez-vous de ces gens. Et ne polémiquez pas avec eux. Car les cœurs sont fragiles. Et vous n'êtes pas à l'abri, ni nous non plus, que demain Chouboueta rentre pour une erreur qu'on aura commise auparavant, un manquement dans notre religion qu'Allah nous éprouve justement, comme nous l'avons dit, et que nos cœurs dévient. Donc attention, crainte Allah. Ittaqillah haythuma kunt. Et tous ces hadiths se joignent les uns les autres. Quand vous regardez bien, depuis le début, les hadiths se joignent les uns les autres. Naam. Fabi hadal qadr naktafi, wa nakul subhanaka allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.